tu veux, c'est... Tu peux faire. C'est des disciplines qui ne sont pas l'activité qui excite la chenille. Un troupeau, c'est pas d'excitation. Celui qui demande à son bordeur d'accélérer, il n'a rien compris. Parce qu'un bordeur, toi, tu n'as pas besoin de motiver ton bordeur. Ton bordeur, il est motivé tout le temps, il est prêt à prendre. Tu sais quelle est la fête, hein? Tu sais quelle est la fête? C'est ici? Oui, c'est ça. C'est ça, ça là-bas. C'est loin en bas? Il faut passer le chemin et redescendre là. Justement, la recherche des personnes, c'est différent. Parce que le chien, il doit... Voilà. Et Julien, tu prends les quatre pelles, tu descends. Ça constamment... Ouais, mais il doit le faire sans... Le... Il y a du monde en bas, non. Bon, alors on ira après. Alors, tu vois les personnes qui sont au bordel. Enfin, là, c'est là, pas calme. Viens au pied, accroche. Tu restes. Laisse-les boire. Tu te couches. Laisse-les boire. Pour conduire un chien de troupeau, on peut faire soit au sifflet, mais là le stop, couché, tu restes. Et le sifflet, nous on s'en sert, c'est quand on travaille sur des grandes distances. Parce qu'à 800 mètres, il faut avoir la voix qui porte quand il faut commander le chien. Donc et après aussi, avec le sifflet, c'est bien, là le stop. Donc il a les mêmes ordres au sifflet que la voix. Donc là, par exemple, si je lui fais une droite, là, droite. Droite, stop, recule, stop. Et là, à gauche, Là, le stop. Stop. Donc après, il a même le droit de siffler. Donc ça c'est les principales ordres pour conduire un troupeau. Il faut que le chien on puisse se positionner à droite ou à gauche pour pouvoir le diriger. Après avoir un stop pour calmer tout, stop. Après il y a stop, il y a le pouce, pouce, pouce, stop. Donc le pouce c'est en fait le chien qui doit aller vers les animaux le plus droit possible. On veut qu'il pousse. Droite, droite, droite, droite, bien, droite, et droite, droite, droite, la stop. Stop. Stop. Stop. Droite. Stop. Et bien. Droite. Stop. Stop. À gauche. Stop. Et bien. Droite, stop, et bien, stop, stop. Et ça, en fait, c'est le plus dur pour le chien. Ulan ne vient. C'est de repousser les animaux. Ulan ne vient. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on demande aux chiens? C'est d'aller nous les chercher, de nous les ramener. Ça, le chien, il le fait plus ou moins naturellement, parce que c'est ce qu'on fait le plus souvent. Les animaux sont loin. Et on l'envoie soit à droite ou soit à gauche et il doit aller les chercher. Alors, quel côté tu veux qu'il parte? Ulan, viens. Couche-toi. Quel côté tu veux qu'il parte? Et montre le côté que tu veux qu'il parte. Les yeux. Hein? Alors, c'est quoi de ce côté pour toi? Droite? Là, stop! Cet espace vient toujours une distance envers le stop. Voilà, là on voit bien que en fait les brebis couchées, couchées. Les brebis elles étaient collées contre le grillage. Donc le chien il sait que s'il passe entre le grillage, les animaux vont plus ou moins exploser. Donc c'est pour ça que le chien, comme il n'avait pas assez de place, il est passé derrière. Il a ce qu'on appelle nous son point de prise de possession. Il était derrière, donc lui il savait qu'il fallait qu'il vienne à ce niveau-là pour enclencher, pour que les bêtes... Et automatiquement, le chien, si on ne lui donne pas d'ordre, il ramène toujours les animaux vers nous. Si je dis rien, je m'inverse.